Bonsoir en ce vendredi 26 avril. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous pour une heure de rock indépendant. Et ce soir au menu, un instant, je baisse un peu le micro. Donc ce soir au menu, je donne des noms comme ça que vous allez entendre. Il va y avoir une nouveauté de Triangulo de Amor Bizarro, du Starflyer 59, également les Indiens. Veruca Salt, J. Retard, également Slow Club. Et je voyais ça tout à l'heure en regardant la sélection de ce soir. Il va y avoir beaucoup de grunge, vous êtes avertis. Et ça va d'ailleurs commencer dans le premier segment de l'émission avec, pour commencer, le groupe Valentine, avec deux I, Valentine. C'est un groupe formé de trois filles de Melbourne en Australie. Ils ont déjà sorti de la musique dans les dernières années, je crois, dans les deux dernières années. Mais là, ils sont vraiment dans une offensive pour conquérir le monde. Ils seront en tournée en Grande-Bretagne dans les prochaines semaines, justement, pour commencer par là, pour commencer à conquérir le monde. Comme je le disais, ils sortent un deuxième album dans les prochaines semaines également. Et d'ici là, ils ont sorti un premier single, un premier extrait qui s'appelle « Love Like ». Et donc, première chanson, premier extrait de cet album-là. Très, très grunge. Et les filles, sur leur page Internet, l'avouent candidement. Ils sont des grandes fans de Kurt Cobain et même le clip de la chanson qu'on peut voir sur YouTube. On les voit avec des chemises à carreaux et des cheveux bleachés. Donc, vraiment très, très inspiré par le grunge de Nirvana. Donc, sans plus attendre, Valentine Love Like à l'émission Le Terminus. Oh, man. directement de l'Espagne, c'était Triangulo de Amor Bizarro, un groupe que j'aime vraiment bien, bien, bien. Et le premier extrait de l'album Victoria Mystica qui s'en vient dans quelques semaines sur Mushroom Pillow. Je vous avais fait entendre, me semble, au mois de janvier, une chanson qu'ils avaient enregistrée dans le studio de Red Bull, la boisson énergétique. Et là, maintenant, ils nous reviennent avec un nouvel album qui s'en vient très, très bientôt, toujours en espagnol. Et juste avant, c'était Lemurs, un trio de Montréal qui sont signés, eux, sur Cuchabata Records. Et c'était la chanson Stricken from Memory, tirée de l'album Year of the Rabbit. Et j'allais vous annoncer qu'ils seront en spectacle ce soir, mais finalement, donc, j'ai vu tout à l'heure que spectacle de Lemurs qui était annulé. Donc, allez voir leur page Facebook si vous voulez les voir en spectacle dans la région de Montréal. Sûrement, ça va être repris dans les prochaines semaines. On va continuer maintenant avec une vieille affaire, c'est Starflyer 59. Un band américain qui existe depuis 1993, quand même, depuis 20 ans, et qui ont toujours traîné l'étiquette de rock chrétien, entre guillemets, là, en raison surtout de l'influence de la religion sur les textes de Jason Martin, le principal compositeur du groupe. Et sur le premier album Silver, donc qui est sorti autour de 1993, le groupe sonnait à cette époque-là, proposait en fait une espèce de rock shoegaze qui ressemblait pas mal à The Smashing Pumpkins. Et c'est ce qu'on va sûrement constater sur la chanson qui ouvre l'album qu'on va entendre, une chanson qui s'appelle Blue Collar Love. On écoute ça sur les ondes de CISM 89.3, le groupe Starflyer. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. Et on vient de terminer un bloc assez stoner grunge, merci. C'était tout ce que vous venez de tout juste d'entendre, c'était War Baby, une formation de Vancouver, avec la chanson Vendetta. Ça se retrouve sur Jesus Horse, leur premier album qui vient de paraître. C'est disponible sur warbaby.bandcamp.com. Juste avant, c'était Les Indiens, formation stoner de Québec, avec la piste des larmes. Ça, c'est le nom de la chanson, oui. Et l'album Crâne Nuit, c'est leur album qu'ils ont lancé il y a quelques semaines. Je pense même que c'est au début du mois d'avril. Donc, Les Indiens, nouvelle formation à surveiller si vous aimez le stoner en français. Et ça avait débuté ce bloc-là avec Starflyer 59. On va continuer maintenant avec en opérant peut-être un petit changement dans le son. On va maintenant aller vers quelque chose d'un peu plus pop indie rock, mais toujours pop. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. En fait, donc, ça va être une chanson qui est tirée de la compilation Vancouver Pop Arenas Volume 3, qui réunit des artistes tous de Vancouver. Une compilation qui est produite pour justement amener des sous à la station locale CITR de Vancouver et qui célèbre cette année son 75e anniversaire quand même. Donc l'artiste qu'on va entendre, c'est Sleut, leur chanson Apocalypse, Please Sign the Release Form First. Et ce sera suivi d'un succès souvenir, encore une fois, de 94, Veruca Salt et la chanson Seater. Tout ça sur les ondes de CISM, le 89.3. Like a ça de Jay Retard, qui ça va faire maintenant 3 ans que Jay Retard va nous avoir quittés. C'était en janvier dernier, donc c'était le 3e anniversaire. Et Jay Retard, probablement un gars qui aura appliqué un peu trop intensément le principe du YOLO. Donc voilà, il nous a quittés à l'âge seulement de 29 ans. C'est une chanson qui remonte, ça, c'est ça, à 2008. Et juste avant, c'était Verk of Salt, une formation, enfin un duo de deux filles de Chicago, Louise Post et Nina Gordon, qui est un petit peu dans la lignée là, des Breeders à l'époque. Là. Et c'était la chanson Cedar, leur premier gros succès en 1994. On va continuer avec maintenant Jacques Duval, pas le chroniqueur automobile, mais Jacques Duval avec deux L, un Belge. Et on va entendre la chanson Le Cowboy et la Cowgirl. En fait, ça, c'est le nom de l'album, je me trompe toujours. Et la chanson, elle, c'est Marianne Renoir de Jacques Duval sur les ondes de CISM, le 89.3. We'll be right back. Exquisite and Subtle des Suisses de Ventura, tiré de leur tout nouvel album Ultima Necat. Et ça se retrouve ça sur l'excellent label français African Tape Records. On quitte les nuages, on quitte la musique planante pour la plage peut-être, avec un duo de deux groupes qui va bouger. Ça va être assez rapide, Slow Club, la chanson The Dog, et ce sera suivi des Breastfeeders avec La Lune. À blâmer tout ça à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. We'll be right back. les breastfeeders, la lune à blâmer. Et je voyais tout à l'heure que les breastfeeders, ben, ils sont, selon la version officielle, en train de travailler sur un nouvel album, mais ils ont un spectacle d'annoncer là, dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne me rappelle plus trop. Donc, allez voir ça sur la page Facebook des Breastfeeders si vous voulez les voir en spectacle ou si vous êtes ennuyé des Breastfeeders, justement, en spectacle. Restez à l'écoute dans quelques instants. C'est l'émission La Main Faille avec Ezekiel Mendes. Sinon, pour retrouver la liste des chansons que je jouais pendant l'émission de ce soir, ça se retrouve dans quelques minutes sur le CISM 893.ca, sinon leterminus.ca pour les archives de l'émission. Et on va se quitter avec la musique des Olivenstein et la chanson Euthanasie. C'est sorti, en fait, c'est extrait d'une compilation sortie il y a 2 ans qui remonte là, toute l'histoire du groupe. Je crois que le groupe même a débuté dans les années 80. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Donc, Euthanasie, Olivenstein. Sinon, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. Bye, ciao. D'été avec un show gratuit de Rock Forest. Le mercredi 8 mai, on descend du Mont-Royal, direction les Catacombes et on envahit le boulevard Saint-Laurent. Venez découvrir, avant tout le monde, les émissions de la période estivale, tout en profitant de la terrasse avec vos animateurs préférés. Le lancement de la programmation d'été de CISM en Formule 5 à 8 avec Rock Forest, le 8 mai aux Catacombes, 1635 boulevard Saint-Laurent, en collaboration avec Boréal. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook ou le CISM893.ca. Tes week-ends sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. Disponible dès aujourd'hui sur votre téléphone, l'application Tabasco Thierry. Thierry, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je peux faire? Pas de problème. Va immédiatement au Tabasco Bar t'hydrater, car ce soir, lundi, c'est notre soirée mojito double. Thierry, j'aime pas trop les blondes. Que dois-je faire? Pas de problème. Il y a des rousses, des brunes et des ambrées. Thierry, j'aimerais faire autre chose que de jouer au billard ce soir. Pas de problème. Descends immédiatement de 2 étages et défoule-toi sur ma piste de danse. Thierry, je viens de rencontrer un gars qui danse comme un dieu et je cherche un endroit pour prendre un verre et discuter avec lui. Pas de problème. Je vous ai réservé la banquette. La serveuse arrive immédiatement. Thierry, merci pour la belle soirée. À bientôt. Pas de problème. C'est mon travail. TabascoBar.com. Bonjour, ici Philippe B et vous écoutez CISM. Oui, oui, CISM. Je n'irai pas à l'étranger.